Copier mais pas coller, vous connaissez le concept, on prend une chanson et on vous propose l'une de ses réinterprétations. Aujourd'hui, on s'intéresse à Adriano Celentano et à son arc-en-ciel. Adriano Celentano est un auteur, compositeur, interprète, chanteur italien, mais aussi acteur, réalisateur, scénariste, un artiste majeur de la scène italienne qui a vendu plus de 200 millions de disques dans le monde. Certains de ses succès ont été adaptés en France, notamment par Johnny Hallyday ou encore Françoise Hardy, mais la chanson qui nous intéresse aujourd'hui est l'Arcobaleno, autrement dit en français l'arc-en-ciel. Elle a fait l'objet d'une des plus belles réinterprétations de ces dernières années et dont on vous parlera dans la seconde partie de cette chronique. L'Arcobaleno est une chanson écrite par l'écrivain et parolier italien Mogol. Elle figure sur l'album d'Adriano Celentano « Io non so parlar d'amore »« Je ne sais pas parler d'amour » publié en 1999. L'Arcobaleno est dédié au musicien Lucio Battisti, ami à la fois de Celentano et de Mogol, décédé prématurément environ 4 mois avant la sortie de l'album. Le texte de la chanson est une lettre qu'une personne décédée prématurément adresse à un ami encore bien vivant. Ce morceau a grandement contribué au succès de l'album puisqu'il s'est vendu à plus de 2 millions d'exemplaires. C'est un hommage à l'amitié et c'est très mélancolique, l'Arcobaleno. Sono partito poi così d'improvviso che non ho avuto il tempo di salutare. Istante breve, ancora più breve, se c'è una luce che trafigge il tuo cuore. L'arcobaleno è il mio messaggio d'amore. Può darsi un giorno ti riesca a toccare. Con i colori si può cancellare il più violente e desolante squallore. Sono diventato sei tramonto di sera e parlo come le foglie d'aprile e vibro dentro ad ogni voce sincera e con gli uccelli vivo il canto sottile e il mio discorso più bello e più denso esprime con il silenzio il suo senso. Io quante cose non avevo capito che sono chiare come stelle cadenti e devo dirti che è un piacere infinito portare queste mie valigie pesanti. Manchi tanto amico caro davvero e tante cose sono rimaste da dire. Ascolta sempre solo musica vera e cerca sempre se puoi di capire. Sei tramonto di sera e parlo come le foglie di aprile e vibro dentro ad ogni voce sincera e con gli uccelli vivo il canto sottile e il mio discorso più bello e più denso esprime con il silenzio il suo senso. Mi manchi tanto amico caro davvero e tante cose sono rimaste da dire. Ascolta sempre solo musica vera e cerca sempre se puoi di capire. Ascolta sempre solo musica vera e cerca sempre se puoi di capire. Ascolta sempre solo musica vera. Voilà, vous venez d'entendre la version originale de la chanson L'Arcobelano, interprétée par Adriano Celentano et écrite par l'écrivain italien Mogol. Et cette chanson a fait récemment l'objet d'une reprise par un chanteur français qui ne pouvait pas rester insensible à la mélancolie qui se dégage de L'Arcobelano, c'est Jean-Louis Murat. Depuis Il Francese, un album paru en 2018, un très bel album à la tonalité italienne, tout le monde connaît l'inclinaison transalpine de Jean-Louis Murat. L'Auvergnat a donc profité du premier confinement pour enregistrer une reprise de L'Arcobelano en français. Et on retrouve cette reprise en bonus dans une nouvelle édition de l'album Baby Love. Comme lorsqu'il adapta Leonard Cohen ou Bob Dylan dans sa langue maternelle, Murat fait sien le morceau de Celentano sans dénaturer la touche italienne d'origine. On écoute l'arc-en-ciel. Je suis parti comme tu le sais à l'improviste. Pas eu le temps non de faire mes adieux. L'instant fut bref, puis vint encore plus vite la flèche de lumière qui te perça le cœur. Si l'arc-en-ciel aimait sa dure d'amore, pourra-t-il un jour te retrouver? Avec les couleurs peut-on effacer la plus avilissante des misères? Je suis devenu un coucher de soleil. Je parle comme les feuilles d'avril. Je vis enfin dans chaque voix sincère. Avec les oiseaux, je vis le chant subtil. Ici, mon chant le plus beau, le più denso, ne s'exprime que dans le silence, mis à sanction. Tellement de choses que je n'ai pas comprises, qui passent comme étoiles filant dans mon cœur. Ai-je jamais eu du plaisir à porter cette valise infinie? Tante cose sono rimaste da dire. Écoutes-tu toujours la musica vera? Et cherches-tu toujours à comprendre? Je suis devenu un coucher de soleil. Je parle comme les feuilles d'avril. Je vis enfin dans chaque voix sincère. Avec les oiseaux, je vis le chant subtil. Ici, mon chant le plus beau, le più denso, ne s'exprime que dans le silence, mis à sanction. Mi manchi tanto, amico caro davvero. Et tante cose sono rimaste da dire. Écoutes-tu toujours la musique à vela? Et cherches-tu toujours à comprendre? Écoutes-tu toujours la musique à vela? Et cherches-tu ses poils décapillés? Écoutes-tu toujours la musique à vela? Et cherches-tu ses poils décapillés? C'était Jean-Louis Murat avec cette reprise de L'Arcobelano, l'arc-en-ciel du chanteur et comédien italien Adriano Celentano. A noter que dans le clip officiel de l'arc-en-ciel, on retrouve de nombreux extraits de films italiens des années 70 et 80, dans lesquels a joué Adriano Celentano, une façon pour Jean-Louis Murat de rendre hommage à cet artiste très populaire en Italie. On termine ce copier mais pas collé avec encore une très belle chanson de Jean-Louis Murat, une chanson qui a été elle aussi rajoutée à l'album Baby Love, et elle s'intitule « Le prince ahuri ». Copier mais pas coller, c'est fini pour aujourd'hui. En prince ahuri, que je fais ici, où toutes choses aimées vont comme un vin la cruche à l'eau. Prince réjouis, tout sorti du lit, chuchote l'amour, tout ce qui s'oublie. Un brin de muguet pour le fiancé qui le console aujourd'hui. Il ne sait rien de la vie, rien de défini. Aller de ci, de là, sans faire une de dégâts. Tirer de l'ennui, le jeu d'une vie. Est-ce bien là un rôle pour moi? Ou suis-je ce vivant qui ne sait pas qu'il est mort? Ou suis-je ce vivant qui ne sait pas qu'il est mort? Le coucou s'est tu, la nuit est venue. Je vous jure, la mort est revenue. J'ai tout vu. La déconvenue est assez connue. C'est la fin d'on ne sait quoi au fond. Le matin venu, la chose reste crue. En étant ses doigts immenses vers le cœur blanc. Elle était la bête, voyez bien qu'elle crève. Le lait ne suffira pas qu'il crève. Ce chien, ce chien, un chien de l'eau.